Donc, si vous voulez, on va commencer par un mot de prière. Notre Père du ciel, tu es pour nous comme un phare pour un bateau qui cherche la protection, qui cherche sa destinée. Quand les marins voyaient des phares, ils se réjouissaient, et nous faisons la même chose. On se réjouit que tu es notre lumière dans les ténèbres dans lesquelles nous vivons. Non pas que nous sommes ténèbres, parce que nous sommes devenus lumière en Christ, mais c'est toi qui diriges nos pas, et nous sommes heureux de cela. Nous voulons ce matin, encore une fois, se tourner vers ta parole, afin que tu puisses nous révéler ta personne. Parce que tout ce que tu l'as créé pour te révéler. Donc, c'est notre désir ce matin de se tourner vers toi et encore mieux découvrir ou connaître celui qui habite en nous pour l'éternité. Et c'est au nom de Jésus que nous te prions. Amen. Ceux d'entre vous qui avez déjà fumé, vous allez probablement reconnaître là, les symptômes. C'est plus, ça m'a déjà remarqué quand on a fumé pendant 5 ans, 10 ans, 20 ans, et là qu'on arrête de fumer, tout d'un coup, c'est qu'on a des gestes qu'on fait par habitude. On met les mains dans nos poches, tout d'un coup, tu es là, tu cherches les allumettes. Il y a des gestes que même si ça fait 5 ans, 10 ans, que tu as arrêté de fumer, des fois tu vas refaire encore, parce que tu étais tellement longtemps à faire ce geste-là. Et je me souviens des fois, même après 20 ans que j'avais arrêté de fumer, je m'assisais chez nous, et je prenais ma tasse de café, et je pensais à la cigarette encore. Ce moment où est-ce que je m'assisais avec ma tasse de café, une cigarette, tu auras le poil, c'était des moments doux de ma vie. Ça me revenait encore. Je me disais à moi-même, c'est long de se débarrasser de ces habitudes qu'on avait. Et je me disais, dans la vie du croyant, quand il devient un enfant de Dieu, si tu le regardes, tu vas voir ses vieilles habitudes sont encore là. Il fait encore des gestes, il va dire des choses, il va faire des choses qui reflètent encore sa vieille nature, ses vieilles habitudes qui ne sont pas disparues. Et c'est pour ça que des fois, les inconvertis nous regardent, puis ils vont voir en nous des choses qu'on dit, mais ouais, mais un chrétien, ça ne devrait pas faire ça. Et tu peux y répondre, oui, c'est vrai, un chrétien, ça ne devrait pas faire ça. Mais je ne suis pas encore dans la perfection. Je ne suis pas encore dans la perfection. Et tu vas voir en moi encore des séquelles qui un jour vont totalement disparaître par la résurrection. Et donc, c'est important de comprendre ça. Et je crois que, en même temps, c'est ce que l'apôtre Paul, dans l'Épître aux Éphésiens, est en train de vouloir dire aux croyants. Après leur avoir dit qu'ils ont été élus, ils ont été bénis avant la fondation du monde, après leur avoir dit qu'ils étaient unis à Christ pour l'éternité, qu'ils avaient été rachetés, qu'ils avaient été purifiés, après leur avoir dit qu'ils avaient été scellés du Saint-Esprit, qu'ils étaient assis à la droite de Dieu en Christ, après leur avoir fait monter jusqu'au ciel, il leur dit, mais pendant que vous allez vivre sur la terre, il va se passer encore des choses, là. Et je pourrais vous conter des anecdotes ou des expériences que j'ai vécues. Est-ce que combien de chrétiens ont des difficultés dans leur vie chrétienne parce qu'on ne comprend pas bien c'est quoi la vie chrétienne vraiment? Pour la plupart d'entre nous, on a dit oui à l'Évangile pour avoir le pardon de nos péchés. Ça, c'est une page dans un livre de 1200 pages. Là, on est en train de découvrir les 1100 pages, là, les 1200 pages. On a dit oui, on va être pardonné, on dit oui, on va aller au ciel, mais on n'a pas tout saisi. C'était quoi ça, cette histoire-là, ou cette vie chrétienne-là? Qu'est-ce que ça veut dire vraiment de mourir à soi-même et de vivre pour quelqu'un d'autre, ou d'être régénéré? Qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Je crois que c'est ce que Paul est en train de leur dire dans le chapitre 4, 5, 6 de l'Épître aux Éphésiens. C'est quoi cette nouvelle vie-là que Dieu vous a donnée en Jésus-Christ? Et on a commencé à regarder la dernière fois que je suis venu sur le thème « Faut marcher ». Et dans l'Épître aux Éphésiens, chapitre, dans les trois chapitres, le mot « marcher » revient, je pense, c'est 5 ou 6 fois. Et le mot « marcher » est équivalent de « vivre ». Marcher dignement, c'est vivre dignement. Ou des fois, il va dire « marcher », comme on voit ce matin, « marchez pas comme les païens, marchez comme des enfants de lumière, marchez », c'est toujours le mot « marcher » qui revient pour démontrer que c'est la façon de vivre. Et on n'a pas à devenir digne, parce que le mot « digne », des fois, on pense que ça veut dire « marche dignement ». Ce n'est pas le fait de devenir quelque chose, c'est « marche de façon que ça va refléter qui tu représentes ». Tout simplement. Et dans notre vie, on va manifester la personne qui nous a transformés. On va être un miroir de la personne de Dieu. Et c'est marqué dans l'Épître aux Hébreux que Jésus-Christ est l'empreinte de Dieu. Que si tu regardes Jésus, tu vois Dieu. Hein? Vous avez vu ça. Et nous autres, c'est pareil. C'est moins parfait un petit peu, là. Hein? C'est pas. Tu peux pas voir Dieu totalement quand tu regardes un chrétien. Mais tu devrais voir, en regardant le chrétien, celui qui est en arrière, qui l'a créé de nouveau, qui a fait un miracle en lui, puis qui l'a régénéré. Et que c'est. On devrait voir ça quand tu regardes ça, tu dis, ben, ah, lui, il tient d'eux. Il ressemble à la personne de Dieu. Et donc, on va continuer ce matin à regarder c'est quoi cette nouvelle vie, cette nouvelle marche qui nous a été donnée de la part de Dieu. Nous n'avons pas à fabriquer quelque chose, mais nous avons à vivre ce qui nous a été donné. C'est pas mal pour moi un fardeau que de vouloir accomplir quelque chose pour vouloir ressembler à, mais plutôt de laisser vivre en moi ce qui a été mis là par Dieu, qui a été mis là pour que je reflète sa gloire et que les gens puissent percevoir en moi Jésus-Christ. Ce matin, on parlait chez Luc que quand je demandais s'il avait écouté le film Invictus. Est-ce que quelqu'un l'a vu, ce film-là? Juste moi qui écoute la télé? Mais vous êtes des bons chrétiens, vous autres, à Val-d'Or, vous n'écoutez pas la télé. On écoute des bons films. Invictus, c'est un bon film, celui-là. Je ne vous dirai pas les autres que j'écoute des fois, mais celui-là, c'était bon. Invictus, c'est le film de Mandela, Nelson Mandela, quand il sort de prison, et qu'il y a une équipe de rugby, puis il utilise l'équipe de rugby pour unir l'Afrique ensemble, les Blancs et les Noirs. Ça s'appelle Invictus. C'est un mot latin que Patrick prononce, que ça veut dire quoi? Lui, il parlait plein de latin matin. Ça doit être le mot victoire là-dedans. Là. Il y a le mot victoire là-dedans. Et je crois. Peut-être que je me trompe aussi. Mais qu'est-ce que je voulais dire avec cette histoire-là, non? Tu relates le film que tu as écouté. Oui, parce que. Ça, c'est l'âge. On parle de quoi on oublie ce qu'on est en train de dire. OK. Bon, j'ai complètement oublié. Oui, mais non, c'est parti. Ça va revenir peut-être dans le milieu du sermon quelque part. OK, donc on va ensemble regarder au chapitre 17 cette... j'étais en train de dire, voici, ça est revenu, que on parlait de ce film-là, puis pendant tout le temps qu'on a jasé, on parlait de Nelson Mandela. Puis là, j'ai dit, Nelson Mandela, quand il a voulu réunir toute l'Afrique, il l'a fait pour sa propre gloire. Parce que quand on regarde le film, on ne pense pas à autre chose que Nelson Mandela. C'est lui qui est la vedette et c'est lui qu'on applaudit. J'ai dit, quand on regarde la vie du chrétien, on ne devrait pas applaudir le chrétien. On va applaudir celui qui est derrière le chrétien, qui est Jésus-Christ. On devrait. Si Mandela avait été croyant et qu'il avait fait ça, il aurait dit, moi j'ai rien fait, c'est Jésus-Christ qui a fait ça, c'est Dieu qui a fait ça à travers moi. Mais c'est dans ça là qu'on voit que quand les chrétiens parlent, quand les chrétiens vivent, quand les chrétiens font du bien ou du mal, ils finissent par dire à la fin, mais Dieu, là, ils vont ramener Dieu dans tout ça. Ils vont ramener Dieu dans ça. Ils vont faire des fois le même geste que l'inconverti, mais ils vont ramener Dieu avec ça. Quand ils vont faire le même mal que l'inconverti, ils vont ramener Dieu. Merci Dieu que tu m'as pardonné ça. Ils vont toujours emmener Dieu, même dans le mal. Pas qu'ils veulent le mal pour pouvoir emmener Dieu, c'est pas ça que je suis en train de dire. Mais même quand ils font le mal, le chrétien a la capacité de ramener de la gloire à Dieu à travers ça. En disant, ce que j'ai fait n'était pas correct, mais je rends grâce à Dieu qui m'a pardonné. Donc même à travers ça, le chrétien va ramener la gloire de Dieu dans ces moments-là. Et je crois que c'est ça que Paul veut amener les croyants à comprendre, que cette nouvelle vie chrétienne-là, ce n'est pas premièrement un paquet de choses à faire ou ne pas faire. Moi, personnellement, je crois que la vie chrétienne, c'est premièrement la capacité que Dieu a mis en nous de parler de quelqu'un d'autre. Et non pas de faire certaines choses ou pas faire certaines choses. Ça, toutes les religions vont les dire, vont les faire aussi. Toutes les religions, moi je parlais avec ma mère, je te l'ai enseigné, François, qu'il ne faut pas mentir. Je te l'ai enseigné qu'il ne faut pas voler. Je te l'ai enseigné qu'il ne faut pas tromper sa femme. Je t'ai tout dit ça. Pourquoi tu me dis que tu es chrétien? À cause que tu es chrétien, tu fais ça. Je te l'ai tout dit, il va falloir faire ça, même quand on était catholique. Je dis, oui, maman, tu m'as tout enseigné ça. Mais tu ne m'as pas dit que je devais le faire pour la gloire de Jésus-Christ. Tu me l'as dit parce que tu voulais que j'aille au ciel. Mais où est la différence? Fait que toutes les religions du monde vont vous dire, fais pas ça, mange pas ça, touche pas ça, va pas ça, va pas là, gonte pas ça, fais pas ça. Ils sont tous capables de nous dire ça. Mais ils le font pas pour faire sortir la gloire de Dieu. Ils le font pour eux autres. Pour avoir une plus belle vie, pour avoir une meilleure vie, pour avoir du bonheur, pour avoir le ciel à la fin de leurs jours, pour avoir toutes sortes d'affaires. Mais ils le font pas pour la gloire de Dieu. Le chrétien, lui, il a été donné, il a été mis en lui par la nouvelle naissance et par le Saint-Esprit, cette capacité de retourner les choses vers Dieu et donner gloire à Dieu dans tous les moments de sa vie que l'inconverti ne fera pas. L'inconverti ne fera pas. Dans Éphésiens, chapitre 4, verset 17, et j'allons lire quelques versets, si vous voulez bien, là. On a vu, la dernière fois, marcher dignement. Et marcher dignement, ça veut dire marcher dans l'unité qui a été créée par Dieu. Dieu nous a unis, unis à lui, unis les uns aux autres. Donc, il dit, marchez dans cette unité-là. Efforcez-vous de conserver l'unité qui a été créée par Dieu. Dieu a créé une unité globale de toute l'Église avec la tête, avec Jésus-Christ. Il dit, marchez dignement. Et là, pour marcher dans l'unité, il nous a fait ressortir que nous avons tous le même Dieu, nous avons eu un seul baptême, un seul esprit, un seul. Puis il dit même, il dit, vous avez une seule foi. Il dit, je vous ai donné des pasteurs, des évangélistes, des apôtres, des pasteurs, docteurs, afin d'être unis dans la foi, d'avoir une même foi. C'est toute cette même unité-là. L'unité de l'Église, c'est une façon de marcher dignement. OK? Et moi, je rencontre des chrétiens en Europe, des chrétiens en Asie, des chrétiens. Maintenant, on parlait d'un pasteur qui était venu de la Russie. Et on retrouvait cette même unité-là de la foi. Parce que ça vient de Dieu. Ça ne vient pas des hommes. C'est pas les hommes qui ont créé ça. Nous, on conserve ça. Nous, on vit avec ça. Mais c'est pas nous qui l'a fait. Puis au verset 17, c'est marqué. Donc, voici ce que je dis et ce que je déclare dans le Seigneur. Vous ne devez plus marcher, voilà le mot marcher qui revient, comme les païens, qui marchent selon la vanité de leurs pensées, qui ont l'intelligence obscurcie. Ils sont étrangers à la vie de Dieu, à cause de l'ignorance qui est en eux, à cause de l'endurcissement dans leur cœur, ayant perdu tout sentiment. Ils se sont livrés au dérèglement pour commettre toute espèce d'impureté jointe à la cupidité. Ça, il dit, ne marchez pas comme les païens. Ne marchez pas comme les païens. Mais si vous avez remarqué, presque totalement, ce qu'il est en train de dire, c'est de l'intérieur vers l'extérieur. Ne marchez pas comme les païens. Puis là, il ne parle pas des gestes des païens, mais il parle du cœur des païens. De la pensée des païens. Parce que Jésus a dit, tout ce qui sort de la bouche vient du cœur. Tous les gestes que vous posez, ou tous les gestes que vous abstenez de poser, viennent du cœur. C'est pour ça que Jésus a dit, je vais changer votre cœur. Il n'a pas dit, je vais changer vos gestes ou vos habitudes. Je vais changer votre cœur, et ça va changer vos gestes. Il dit, regardez les païens. Ils marchent selon la vanité de leurs pensées. Ils disent, ils ont l'intelligence obscurcie. Ils sont étrangers à la vie de Dieu. Ils sont ignorants. C'est tout à l'intérieur, ça. Tout à l'intérieur. C'est pas quand vous avez, quand on a lu ça ensemble, si vous avez, si vous êtes venu à l'esprit. Ah, Seigneur, tu parles de moi, là. J'étais comme ça. Vous voyez-vous là-dedans? Ça vous rappelle-tu des souvenirs? Ça vous rappelle-tu votre vie passée? Moi, cette semaine, pendant que je méditais là-dessus, pour me préparer en venant, je me disais, et que je faisais dur, ma foi, que je faisais dur. Comment est-ce que j'étais comme ces païens-là? Complètement comme ça. Je marchais selon la vanité de mes pensées, j'avais une intelligence obscurcie, j'avais perdu tout sentiment, j'étais livré au dérèglement. C'était moi, ça, c'était François Nollet. Pendant 26 ans de sa vie, c'est comme ça qu'il a vécu uniquement. Mandela était partie de ça, là. Sœur Teresa faisait partie de ça. Le cardinal Léger fait partie de ça. Le pape aussi fait partie de ça. Tout le monde fait partie de ça. Il n'y a pas un sans exception. Quand il dit bien, les païens marchaient comme ça, c'est ça, là. C'est comme ça qu'on marchait. Il n'y a pas personne d'entre nous qui... Des fois, on entend, c'est un bon gars, il est gentil, il est fin, c'est une bonne personne. Des fois, on dit, c'est un bon diable. Ça existe-tu des bons diables? Ça existe-tu des bons diables? C'était nous, ça. Il faut comprendre que cette partie-là fait encore partie de nous dans la chair. Hein. Quand je comprends ce que j'étais avant d'être croyant, je vais comprendre que ce que je suis en tant que croyant, parce que cette chair-là qui était là, je l'ai encore. Donc, je vais retrouver cela. Fait que des fois, quand je viens pour prendre des décisions dans ma vie de tous les jours en tant que chrétien, ces vieilles habitudes-là reviennent tout de suite en surface. C'est pas que vous êtes comme moi, mais à chaque fois que je viens pour prendre une décision, j'ai toujours ces deux choses-là qui reviennent. Il y a une pensée païenne qui vient tout de suite, tout. Je dis, ah, hop, là, la pensée chrétienne vient aussi. Je dis, ah, attention, là, pas tout à fait de même. Mais ça fait encore partie de moi. Mais si vous ne pouvez plus vous marcher comme ça. Il ne faut plus marcher conduit par ces pensées-là. Il ne faut plus marcher comme ces païens-là. Il faut toujours réévaluer quand vous avez une pensée, quand vous avez une décision à prendre, quand vous écoutez la télévision, quand vous regardez une victus ou peu importe ce que vous faites, vous devez toujours dire, attention, ça c'est la façon des païens de penser. C'est la façon des païens de penser. Et le jour, j'écoutais une émission sur un astrophysicien, mais quand j'ai commencé à écouter, je me suis dit, François, c'est un païen qui parle. Souviens-toi de ça, c'est un païen qui parle. Il a l'intelligence obscurcie, François, rappelle-toi de ça. Il va marcher selon la vanité de ses pensées. Rappelle-toi de ça. Il faut se rappeler ça. Les gens qui nous entourent, les livres que nous lisons, les émissions de télévision que nous regardons, sont le reflet de ces choses-là. Je ne vous dis pas de ne pas les regarder, mais on doit se rappeler que quand on les regarde, c'est ça qui se passe. C'est comme ça que ça se passe. Et de pouvoir avoir un jugement qui est clair. Et nous autres, mais il dit, « Mais vous, » au verset 20, « Mais vous, païens étaient comme ça, les autres sont juste comme ça, il dit, « Mais vous, » c'est autrement maintenant. Vous n'êtes plus juste comme ça. Il y a encore des traces de ça, mais vous n'êtes plus comme ça. Ce n'est pas ainsi que vous avez appris de Christ. Vous ne marchez plus comme ça. On va lire du verset 20 jusqu'au verset 32. Mais vous, ce n'est pas ainsi que vous avez appris Christ. Si du moins vous l'avez entendu, et si conformément à la vérité qui est en Jésus, c'est en lui que vous avez été instruits à vous dépouiller par rapport à votre vie passée, du vieil homme qui se corrompt par les convoitises trompeuses, à être renouvelé dans l'esprit de votre intelligence, et à revêtir l'homme nouveau, créé selon Dieu dans une justice et une sainteté qui produit la vérité. C'est pourquoi renoncez aux mensonges, et chacun de vous parle selon la vérité à son prochain, car nous sommes membres les uns des autres. Si vous vous mettez en colère, ne péchez point, que le soleil ne se couche pas sur votre colère, et ne donnez pas accès au diable. Que celui qui dérobait ne dérobe plus, mais plutôt qu'il travaille en faisant de ses mains ce qui est bien, pour avoir de quoi donner à celui qui est dans le besoin. Qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole mauvaise, mais s'il y a lieu, quelques bonnes paroles qui servent à l'édification et communiquent une grâce à ceux qui l'entendent. N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu, par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. Que toute amertume, que toute animosité, toute colère, toute clameur, toute calomnie et toute espèce de méchanceté disparaissent du milieu de vous. Soyez bons les uns envers les autres, compatissants, vous pardonnez réciproquement comme Dieu vous a pardonné en Christ. Il dit, vous, c'est pas ça que vous avez appris en Christ. Là, il parle de, vous avez, de ne pas marcher comme les païens. Il dit, vous autres, c'est différent ce que vous avez appris en Christ. Puis là, il dit, si du moins. Et là, il y a deux façons chez les chrétiens de comprendre ces textes-là. Certains vont dire qu'il faut se dépouiller de notre vie chrétienne, il faut se dépouiller et se revêtir de l'homme nouveau. Comme si c'était un processus qui dure toute la vie chrétienne. D'autres disent que c'est quelque chose qui s'est fait une fois et c'est terminé. Moi, je suis dans ce camp-là. Que ce que Paul est en train de dire au verset... Si du moins vous avez entendu, si conformément à la vérité qui est en Jésus, c'est en lui que vous avez appris, que vous avez été instruit à vous dépouiller. Il dit, c'est pas ça que vous allez vivre, vous n'allez pas marcher comme les païens, si ce que vous avez entendu, c'est la vérité. Si l'évangile que vous avez entendu, c'est la vérité. Ce que vous avez entendu auprès de Christ, si c'est la vérité que vous avez entendu, vous ne marcherez plus comme les païens. Vous avez entendu dire que vous devez vous dépouiller de cette ancienne vie-là et en commencer une nouvelle. C'est ce qu'il est en train de dire. Il n'est pas en train de dire, vous devez maintenant, en tant que chrétien, vous dépouiller tranquillement de cette vieille nature que vous avez faite. Mais vous avez été enseigné. Et je crois qu'on pourrait le traduire, on pourrait le résumer avec une autre sorte de pensée. Ce serait... Si vous avez entendu qu'il faut se repentir, parce que le mot repentir veut dire la même chose que ça. Se repentir, ça veut dire laisser tomber la vieille chose et commencer une nouvelle chose. Ce que l'apôtre Paul dit, à cause de ce qui s'est... Si vous avez entendu la vérité, si vous avez entendu l'Évangile, si vous avez entendu ce que Christ a dit, ça va vous emmener à commencer une nouvelle vie, qui n'est plus comme cette vie-là que vous aviez avant. Beaucoup de gens vont se dire croyants, je parle de l'Église large, et ils vont parler de la vie chrétienne comme si c'est quelque chose à venir. C'est quelque chose qui va arriver quand ils vont mourir. Dans l'église large, je pense. Là, il y a des gens là-dessus qui ne sont pas croyants. Ils vont parler. C'est pour ça que vous allez voir dans leur vie de tous les jours qu'il n'y a pas de reflet de la vie de Christ. Ils vont pratiquer, ils vont croire en quelque chose, mais ça commence après la mort. Même dans le mouvement évangélique, il y a beaucoup qui parlent de la vie éternelle comme quelque chose à venir. Quand la vie éternelle, c'est quelque chose qui a déjà commencé. Donc, c'est si vous avez entendu l'Évangile, le vrai Évangile, si vous avez été instruit en Christ de la vérité, ça va changer votre vie maintenant. Vous ne marcherez plus maintenant comme des païens. C'est pas que vous allez avoir une autre sorte de vie dans le ciel. Quand vous allez mourir, vous allez avoir quelque chose de différent que les autres. Non, c'est maintenant que ça se passe. Ils allaient avoir une intelligence maintenant renouvelée, changée. Et ça, ça s'est passé. Vous avez dépouillé de votre ancienne vie païenne et vous en commencez une nouvelle. Ça ne veut pas dire qu'il ne reste pas des séquelles, qu'il ne reste pas des manifestations de cette ancienne vie-là. Parce qu'on est encore dans la chair. Mais il y a une partie de nous qui a été régénérée, qui a été transformée, qui a été changée. Elle a été changée d'une façon, je dirais, parfaite. On ne peut pas l'améliorer, cette partie-là. Quand Dieu a fait le miracle en vous, de cette nouvelle naissance-là, c'est un miracle. Jusqu'à date, je ne crois pas qu'on est capable de faire des miracles, nous. Le miracle qu'il a fait, je ne peux pas, moi, l'améliorer. Je ne peux pas le changer. Il a fait un miracle. Il a, en un instant, en une seconde, il m'a fait passer de la mort à la vie par un miracle de Dieu. Et moi, je peux pas dire, ben là, je vais essayer d'améliorer ce que tu as fait. Je vais essayer de perfectionner ce que tu as fait. Non. Je vais vivre selon ce que tu as fait maintenant. Je vais marcher selon la nouvelle vie que tu as créée en moi. Mais il prend le temps de m'avertir qu'il va y avoir un combat. Parce qu'il y a des chrétiens que j'ai rencontrés qui croient à la perfection chrétienne. Tu crois que quand t'es sauvé, c'est fini le péché. Il n'y en a plus de péché. Ils vivent une vie chrétienne parfaite. Pas facile de vivre avec ces gens-là. Pas facile de vivre avec ces gens-là. Parce que les autres, ils n'en font plus de péché. Parce qu'ils n'ont pas compris que, il y a d'autres choses qui se passent aussi en même temps, qu'il faut comprendre. Que oui, il y a quelque chose en moi maintenant qui est amené à la perfection, par la régénération, mais il y a une partie de moi qui n'a pas été régénérée, qui va être régénérée à la résurrection. Ce qu'on appelle dans la Bible la chair. C'est pour ça qu'il dit au verset 25, c'est pourquoi, à cause de ce que vous avez qui s'est passé, à cause que vous êtes dépouillé du vieil homme, à cause que vous avez revêti l'homme nouveau, c'est pourquoi renoncer aux mensonges les uns vers les autres. À cause de cela, maintenant, il va se passer de quoi dans vos vies? Vous allez vivre autrement les uns avec les autres. Il y a vraiment quelqu'un qui va. Vous avez déjà posé la question, pourquoi il commence par le mot mensonge? Pourquoi il ne dit pas, c'est pourquoi ne vous volez pas les uns les autres? C'est pourquoi il commence par le mensonge? Pour nous autres, dans notre tête, là, entre guillemets, le mensonge, c'est moins significatif. Dans l'Église, on n'a pas une grosse emphase qu'il ne faut pas mentir, mais il ne faut pas faire de l'adultère, il ne faut pas voler le gouvernement. On a beaucoup d'emphase. Mais on ne parle pas souvent du mensonge comme étant quelque chose d'important dans la vie du chrétien. Mais pourtant, Paul commence à dire, c'est pourquoi renoncer au mensonge et chacun de vous parle selon la vérité. Contextuel, peut-être c'était une problématique dans l'Église d'Éphèse, Oui, mais je crois à cause qu'il dit que chacun de vous parle selon la vérité à son prochain. Je crois que l'exemple, c'est plutôt la vérité biblique, la vérité évangélique. C'est pourquoi, maintenant, quand vous vous parlez les uns les autres, le mot mensonge, je sais, ne représente pas le mensonge par rapport à l'argent, mais par rapport à la vérité qui est l'Évangile, la vérité qui est Dieu. La vérité qui est Jésus-Christ. Il dit, à cause que vous êtes membres les uns des autres, à cause que vous avez été transformés, que vous avez appris Christ, que vous êtes des jeunes, maintenant, renoncez au mensonge. Le mensonge, c'est ce qui est faux. Pas des mensonges, pas des renoncez à vous dire, un exemple que je pourrais dire, renoncez au mensonge avec l'assurance chômage, je sais pas quoi. C'est pas ça qui fait référence comme la vérité qui est en Jésus-Christ. Parlez-vous selon la vérité et non pas selon le mensonge que vous croyez avant en tant que païen. C'est dans ce sens-là que je le vois plus. Et la raison, il dit, c'est parce que vous êtes membres les uns des autres. Et là, il revient avec la pensée du chapitre 1, à cause qu'on est béni, qu'on est tous fait partie d'un même corps, qu'on soit juif ou qu'on soit grec, qu'on soit païen ou qu'on soit juif, il dit, vous êtes tous membres les uns des autres. Il dit, maintenant, quand vous parlez, parlez-vous selon la vérité et non pas selon le mensonge que vous croyez avant d'être chrétien. Je pense que c'est ça qui parle plus que Je crois qu'on peut s'encourager mutuellement à se dire la vérité quand on parle. Parce qu'on dit des mensonges par rapport à n'importe quel sujet de la vie. Mais je crois que c'est qu'il parle plutôt de quand vous vous parlez les uns les autres au sujet de Dieu, au sujet de Jésus-Christ, au sujet de l'Évangile, au sujet du ciel, au sujet de l'enfer, au sujet de ce que Jésus est. Parlez-vous selon la vérité. Et vous savez que la vérité, c'est une personne, et non pas des choses. C'est une personne, la vérité. Donc, et je crois que c'est ça qu'il dit, car nous sommes hommes, si vous vous mettez en colère, ne péchez point, et que le soleil ne se couche pas sur votre colère, et ne donnez pas accès au diable. C'est un autre chose. Parlez-vous selon la vérité. Après, il dit, si vous vous mettez en colère, ça vous arrive-tu de vous mettre en colère? Qu'est-ce qu'il veut dire par ça quand il dit, si vous vous mettez en colère, moi j'ai déjà entendu ça, il y a quelqu'un qui me parlait, il disait, ben nous autres, avant de s'endormir, on essaie de régler notre affaire. C'est biblique. Hein? Enfin, je veux dire, selon la parole de Dieu, il dit justement, que le soleil ne se couche pas sur votre colère, c'est une façon de régler, parce que c'est pas, dire ça en ordre Dieu, Oui, mais je me dis, est-ce que c'est ça qu'il veut dire? Est-ce que c'est ça qu'il veut dire quand il dit, bon, mais là, si tu as un problème avec ta femme, avant de t'endormir, réglez. Mais ça ne se fait pas toujours de même. Des fois, ça peut se faire, puis il peut nous encourager à le faire. Mais si je suis en colère avec Patrick, puis il reste à 500 km de moi, je peux-tu le faire avant de me coucher toutes les fois? Pas tout le temps. Tu peux peut-être pas garder l'amertume, de le confesser au Seigneur, puis quand tu as moyen de le régler, tu... OK. Mais, dans le contexte, qu'est-ce qui va nous mettre en colère? Ne péchez point si vous vous mettez en colère. Ce que je veux faire ressortir, c'est que la colère... je ne sais pas si vous avez été élevé comme moi, mais on était encouragé à ne pas se mettre en colère. Le texte ne nous dit pas ça ici. Dieu se met en colère. Jésus s'est mis en colère. Il y a des colères qu'on appelle des colères justes. Il y a des colères qui sont non justes. La plupart de nos colères à nous ne sont pas justes. Dieu, quand il se met en colère, c'est toujours juste. Nous, c'est toi qui dis, si vous vous mettez en colère, ne péchez point. Puis là, il dit que le soleil ne se couche pas sur votre colère et ne donnez pas accès au diable. Il nous encourage dans nos relations les uns avec les autres. Quand quelqu'un vous met en colère, ne péchez point. Ne péchez point. Règle ça. Règle ça avec ton frère. Règle ça avec ta soeur, avec ta femme, avec tes enfants. Règle ça. Je crois que l'expression ne te couche pas ou que le soleil ne se couche pas sur votre colère, c'est une expression, c'est règle le plus vite possible. Règle le plus vite possible. Peu importe comment ça va prendre de temps, règle ça le plus vite possible. Parce que vous êtes membres les uns des autres, réglez ça. Qu'est-ce que vous faites quand quelqu'un vous met en colère? Qu'est-ce que vous faites? on se met, on se tenait loin. On va te mettre en colère, on va se reculer d'un pas. Parce que c'est pas le bras plus long que ton pied, là, tu sais, là. Mais c'est que, qu'est-ce que vous faites habituellement? C'est que habituellement, on va chialer, on peut fesser. Si on a notre tempérament qui on peut fesser, on peut se renfermer, on peut critiquer, on peut accuser, on peut faire toutes sortes de choses. Mais quand on se met en colère, ce que je vous encouragerais à faire, c'est de vérifier si votre colère est juste ou pas juste. Ne pêche pas tout de suite. Attends, arrête-toi et dis, est-ce que j'ai raison d'être en colère? Est-ce que ma colère est juste ou si ma colère n'est pas justifiée? On ne prend pas ce temps-là d'habitude. Absolument, la Bible nous dit dans le Proverbe, la colère excite la colère. Tu me mets en colère, la première chose que je vais faire, je vais dire une parole qui va te mettre en colère. Ou je vais donner une claque, puis ça va te mettre en colère. Là ça commence à monter. Là, la colère pogne les deux bords, puis on s'engueule, puis on fait une sorte d'affaire. Mais est-ce que la colère, elle est justifiée? Si elle est justifiée, ça va m'amener à avoir une réaction différente. Si elle n'est pas justifiée, ça va m'amener à avoir une autre sorte de réaction. Mais la colère, faut pas la nier. Faut pas la... faut pas que tu te mettes en colère, François, faut pas que tu te mettes en colère. Un chrétien, ça se met pas en colère. Non, c'est pas vrai. Un chrétien, ça se met en colère aussi. Mais il y a des colères justifiées et des colères non justifiées. Donnez-moi là un exemple d'une colère justifiée. Il y a quelqu'un qui veut oser de donner un exemple d'une colère justifiée. L'injustice envers les plus pauvres, quelqu'un qui maltraite tes enfants. OK, oui, OK, ça serait une. Si tu vois quelqu'un qui est en train de donner une taloche à ton gars sur le bord de la rue, puis qui te pousse la tête, te maltraite, ça se peut même que tu vas réagir avec une colère justifiée. Elle est juste, sa colère. Ou alors tu passes au côté de mon char, puis tu te donnes un coup de pied dessus. Puis là, je t'ai vu faire, « Hey, mon espèce, arrête-moi ça! » Puis les sentiments de colère, il y a une injustice qui est commise à ton égard. Et c'est un sentiment qui vient tout de suite. Mais elle est justifiée. Attention, il ne faut pas te donner un coup de pied. C'est pour ça que je suis en train de dire. Mais reconnaître que la colère, c'est un sentiment qui vient quand une injustice est commise à notre égard. Comme Dieu. On fait des injustices envers Dieu, on pêche contre Dieu, on atteint dans le sens la gloire de Dieu, et Dieu se met en colère. Dieu se met en colère contre les hommes qui ont injustement, en tout cas, tout ce que la Bible nous dit. Donc, Dieu a une colère justifiée. Je vous encourage que quand un frère ou une sœur, là, on va parler dans notre contexte de chrétien, vous met en colère, vérifiez voir si votre colère est justifiée ou pas. Est-ce que j'ai raison d'être en colère? Ce qu'il a dit, ce qu'il a fait, c'était-tu correct ou pas correct? Est-ce que j'ai raison de me mettre en colère? Puis de réagir envers ça. Il dit, ne pêche point. Va régler ça. Règle ça. Le plus tôt possible. Va le dire à ton frère, à ta soeur, à ta femme. Va le dire, tu m'as mis en colère. Quand tu as dit cela, quand tu as fait cela. Et je reconnais que tu avais raison et je peux régler ça. Ou je reconnais que tu n'avais pas raison. Je pense que tu n'as pas raison d'avoir dit ça. Tu n'as pas raison d'avoir fait ça. Et de réagir envers cela. Si vous ne le faites pas, vous accumulez de la colère. Ce qu'on appelle, ça va devenir, avec le temps, on appelle ça, ça va devenir de l'amertume. Ça va devenir de l'amertume. Et là, vous allez exploser. Hein? C'est juste une question de temps, vous allez exploser. Mais, il dit, vu que vous êtes membres les uns les autres, vu que vous formez une unité, et vous êtes, vous êtes des nouvelles créatures, vous allez réagir avec ça. Vous allez réagir différemment des autres qui sont païens. Que les autres vont, peu importe que la colère soit justifiée ou pas, ils vont réagir d'une autre façon. OK? Donc, c'est ce qu'il est en train de nous dire ici au verset 26. Donnez pas accès au diable. Parce que si vous ne réglez pas ça, vous donnez accès au diable. Donc, le diable va venir vous tenter avec ça, puis il va vous pousser à pécher, tout simplement, dans cette direction-là. Et, encore une fois, je le remets dans le contexte ici. Il parle de même afin de conserver l'unité qui a été créée. Si vous ne faites pas ça, puis si vous gardez ce qu'on appelle des fois dans nos églises des divisions, des querelles qui se passent dans les églises, vous allez voir, fouillez un petit peu en dessous, vous allez voir, c'est des colères non réglées. Des colères non réglées. C'est la même chose dans les couples, dans les familles, avec les enfants. Des fois, il y a eu des ruptures. Et vous allez voir, c'est des colères non réglées. On nous a fait mal, on nous a dit des paroles, on n'a pas réglé ça, et un peu plus loin, ça ressort, puis ça fait des ruptures, et on a donné accès au diable, comme il dit ici. Et là, comme on dit souvent, un péché en entraîne un autre. Ouais. Donc, dans ce sens-là, il faut faire attention. Puis là, il dit que celui qui dérobait ne dérobe plus. Au contraire, gagne ta vie, puis donne-en aux autres. Tu volais les gens, maintenant, prends ça, puis vise ça à l'envers. Travaille, puis donne aux autres. Bon, on comprend tout ce que ça veut dire, ça n'a pas besoin d'une grande explication. Arrête de voler, puis maintenant, donne. Êtes-vous tenté de voler? Nous avons juste à vite tôt que ça se passe. Je suis surpris dans nos églises comment est-ce qu'il y a du vol qui se fait. Quand les chrétiens ont de la misère avec l'honnêteté financière. Je suis surpris de voir tout ce qui se passe. Et même dans ma vie, moi je dis tout le temps, chaque chrétien a son prix. Je n'ai pas de misère à dire oui ou non pour 2 piastres. Pour 2 000, un peu plus touché. Pour 20 000, juste un petit oui, un petit non. Dans le même, j'étais assis avec 8 chrétiens, puis on parlait d'assurance chômage. Et c'était intéressant de voir ce que les chrétiens disaient par rapport à l'assurance chômage. Prophétisez! Prophétisez, ça fait longtemps que tu payes! Tire-en du chômage! Est-ce que c'est la vraie raison? Dans le temps chrétien, tu dois faire ça. Quand il marche à la fête, vous voulez-vous travailler? Oui! Mais je me repose pour 6 mois. Donnez-moi du chômage, je me repose. Tu dois faire ça. On a de la misère. Parce que là, c'est des milliers de dollars qui sont en cause. On a de la misère avec ça. Mais il dit, ne dérobe plus. Au contraire, travaille puis donne. Est-ce que c'est facile pour vous de donner? Pas tout à fait toujours facile, hein? Pas toujours facile. On a moins tard de savoir un chèque que d'en faire un. Dernièrement, avec les cheveux gris que vous voyez, j'ai reçu mon premier chèque de rente. Mes premiers chèques de rente. Et je dis, enfin, après 40 ans que j'en donne, j'en reçois un. Tu vois, il y a plus de joie à recevoir dans ma tête qu'à donner. Mais la Bible dit quoi? Ça devrait être le contraire. Il y a plus de joie à donner qu'à recevoir. Mais on a du travail à faire avec ça, hein? On a du travail à faire avec ça. Mais ici, il dit, le païen, lui, il va dire toutes sortes de choses, il va faire toutes sortes de choses pour juste remplir ses poches. Il veut toujours en avoir plus, ici. Puis il veut toujours moins en sortir. Mais est-ce que c'est la réalité? Le chrétien, c'est non. C'est non. Il devrait faire l'inverse. Dans l'Église, on devrait faire l'inverse. On devrait être plus porté à donner qu'à recevoir. Alors, tu volais avant? Ne vole plus. Maintenant, sois quelqu'un qui est reconnu comme étant quelqu'un qui donne dans l'Église et ailleurs. Et donc, encourageons-nous les uns les autres dans l'honnêteté, tout ce qu'on fait, dans toutes les démarches qu'on fait dans nos transactions monétaires, financières, dans tout ce que l'on fait au niveau financier. Et le monde dans lequel on vit. Puis même des fois, il y a des gens qui sont venus me voir puis qui m'ont dit, « Ouais, mais François, tu n'as pas toujours été comme ça. » Tu oublies de dire, « Tu as bien raison, pas toujours été comme ça. » Parce que j'étais un de ceux-là en bébête qui ne voulait pas donner. On m'appelait signe de pièce. Donc, imaginez-vous à quoi est-ce que je ressemblais. Je ne voulais pas toujours donner. Au contraire, si je pouvais tirer 5 piastres, je le tirais. Mais aujourd'hui, quand tu leur dis, ben là, ça serait peut-être autrement que vous voudrais faire. Non, mais tu n'as pas toujours été de même. Je suis obligé d'avouer que c'est vrai. Mais grâce à Dieu, grâce à ce que Dieu a fait en moi, grâce à la nouvelle naissance, ben il y a ces jours qui ont changé. Ça veut pas dire que je suis parfait, là. J'ai volé, même en tant que chrétien, j'ai volé. Puis je suis curieux de parler à tout chacun d'entre vous dans le privé. Puis probablement, je retrouverai tous dans votre vie des petites affaires qui se sont passées. Et c'est pas tout à fait ce que la Bible nous encourage. Mais il dit, dans cette nouvelle vie-là que vous allez vivre, il dit, regardez bien ça, et vous allez voir que vous allez être transformés. Et ça va être là dans notre vie, et ce combat-là va se manifester en vous. Quand ça va être le temps de faire ces gestes-là, il va venir en vous des idées que vous n'aviez pas avant. Oh, je me souviens de m'avoir assis avec ma femme pour faire nos rapports d'impôts, puis c'était pas blanc, là. Et qu'on cherchait-tu des moyens de passer aux côtés? Mais aujourd'hui, en tant que chrétien, quand je m'assis pour faire mon rapport d'impôt, puis que je vois que je pourrais sauver 5 000 $, c'est tentant, je vous dis que ça vient. Mais il y a d'autres choses en même temps qui viennent. C'est ça que je me dis que la nouvelle naissance est là. Ça vient en même temps de dire, François, pas ça. Et là, le combat s'installe. Et je suis obligé d'avouer, des fois, je gagne, des fois, je perds. J'ai pas toujours la victoire. J'aimerais ça vous dire que j'ai toujours la victoire et je fais plus de péché. Mais je suis pas capable. Mais ce qui me réjouit, c'est pas la victoire ou la non-victoire. Je me réjouis qu'il y a un combat dans ma vie. Qui me prouve que je suis né nouveau. C'est pas la victoire qui me réjouit. C'est le combat qui me réjouit. Que les inconvertis n'ont même pas, eux autres. Ils n'ont même pas ce combat-là. Mais il y a des inconvertis qui sont honnêtes, vous savez ça? Pas besoin d'être un chrétien pour être honnête. Il y a des inconvertis qui sont honnêtes. Fait que c'est pas la victoire qui devrait me réjouir autant que le fait qu'un combat. Oui, quand j'ai la victoire, je rends gloire à Dieu. Ben oui, c'est certain. Mais le combat est la preuve que la nouvelle vie est en moi. La preuve. Parce que la victoire n'est pas toujours la preuve. Parce qu'il y a des inconvertis qui ont la victoire. Mais le combat est là, dans ce sens-là. Verset 29. « Qu'il sorte de votre bouche aucune parole mauvaise, mais s'il y a lieu quelques bonnes paroles qui servent à l'édification et communiquent une grâce à ceux qui l'entendent. » Eh, mon ami! On en dit des... On peut-tu en dire des conneries dans une veillée? On en dit, est-ce que vous en dites des paroles qui ne sont pas édifiantes? Hmm? Si on pourrait s'enregistrer et regarder à quel point des fois on dit des paroles qui n'édifient pas. Même nous, entre croyants, là, combien de fois on parle des autres croyants, de l'Église, des pasteurs. Des fois, je me rends compte avec des chrétiens, moi j'appelle des chrétiens qui sont dissidents, qui ne vont plus dans l'Église pour toutes sortes de raisons. Et là, je suis obligé de dire avant qu'on commence, on ne parlera pas des autres. Hein? On va essayer de parler d'autres choses. Parce que c'est notre tendance tout de suite à ça. C'est de justifier pourquoi on a fait tel geste. C'est notre tendance. Hein? Si vous faites une action, vous allez vouloir la justifier. Et là, les paroles ne sont pas toujours édifiantes. Donc, il dit, quand vous rencontrez les chrétiens, édifiez-vous. Édifiez-vous. Quelle sorte de parole est-ce qu'on doit dire pour s'édifier? Qu'est-ce qui édifie les croyants? Qu'est-ce qui nous édifie, nous autres, l'Église? Avant ça, assisez-vous. En tout cas, je me souviens, assisez-vous dans un groupe là, de croyants ou de non-croyants, n'importe quel. Assisez-vous dans un groupe de personnes données, puis taisez-vous, puis écoutez. Puis quand la fin de la veillée arrive, on a détruit la planète presque. On a passé par les gouvernements, puis les hôpitaux, puis les commissions scolaires, puis nos boss, puis on a passé par toutes sortes de discussions, puis on a mis à terre tout le monde. On n'a pas édifié personne, là. On a juste détruit tout le monde autour de nous autres pour montrer que nous autres, on était meilleurs. C'est ça qu'on a fait. Vous faites pas ça, vous autres? Juste à Vito que ça fait ça. Il faut avoir 60 ans. Ah, il faut avoir 60 ans. Ah. Mais vous comprenez-vous ce que Paul est en train de dire? Quand vous avez fini votre veillée entre vous, couple, famille, église, quand vous avez fini votre temps de discussion ensemble, est-ce qu'on a édifié ou est-ce qu'on a détruit? Est-ce qu'on a édifié ou détruit? Et c'est donc facile de détruire. Hein? C'est donc facile. Il me semble que ça vient tout seul. Ça vient tout seul. Mais il dit, édifiez-vous. Et la seule façon d'édifier, c'est de parler avec de la vérité. De parler de la vérité. De la parler de Dieu, de parler de Jésus. Et là, on s'édifie mutuellement en parlant de ça. Je ne suis pas en train de vous dire là, qu'on ne doit jamais parler de sport ou qu'on ne doit jamais parler d'économie ou d'argent ou de REER. Non, ce n'est pas ça que je suis en train de dire. Mais quand on en parle en édifiant. On peut toujours trouver du noir à dire sur quelqu'un. Toujours. Parce qu'ils sont quoi? Imparfaits, ces gens-là. Ils sont imparfaits. Donc, on peut toujours trouver du noir. Parlez du gouvernement. Vous, en parlez. T'en as des heures de toute la croche qu'ils font. Puis, vous allez avoir raison. Mais est-ce que ça va édifier quelqu'un? Pas tout. Vous pouvez parler de Patrick. Vous pouvez parler de François. Vous pouvez parler des heures de temps de noir. Puis ça va être vrai. Mais ça va-tu édifier quelqu'un? Personne. Personne. Mais vous dites une parole pour, vraie, une parole de vérité, un principe de vérité par rapport à Dieu, par rapport à Jésus, par rapport à la vie de l'Église, par rapport à ce que Dieu est en train de faire dans le monde, et automatiquement, vous avez édifié quelqu'un ce soir-là. Une parole va édifier. Donc, il dit, édifiez-vous dans l'Église au lieu de vous détruire. Paul va le dire autrement, dans l'Épître aux Galates. dit, ne vous mordez pas comme des chiens. Hein, il va dire ça, il va dire, mordez-vous pas comme des chiens enravés. Tu sais, là. Mais il dit, faites pas ça. Ça ne donne à rien. Ça va juste détruire. Donc, édifions-nous en parlant de vérité. Qu'est-ce que Dieu a fait dans la vie d'un tel ou d'une telle? Vous pouvez voir, ah, tu vis ce qu'elle a fait, tu vis ce qu'elle a dit. Ça peut être bien vrai, là. Mais ça n'édifie pas personne. Mais si on dit, as-tu vu ce que Dieu a fait? Je me souviens, quand j'étais pasteur, quand je voyais rentrer quelqu'un en retard à l'église, ah, j'étais frustré, mon gars. Ça me frustrait. Pas capable d'arriver là, t'as dérangé tout le monde, puis tout le monde s'est retourné, puis tout le monde a arrêté, puis tout le monde arrive là. ça me pognait au trait. Jusqu'au temps que le Seigneur me dit, François, qu'est-ce que ça donne? Tu te fais des usages pour rien. Puis le Seigneur m'a donné la grâce après de dire, quand je les voyais rentrer, je disais, merci Seigneur que tu les as sauvés, ces gens-là. Et ça changeait toute la situation. Ça changeait tout. C'est les mêmes personnes qui arrivaient encore en retard, mais tout d'un coup, la situation avait tout changé. Parce que tu dis une parole édifiante au lieu d'une parole qui dit détruit. Ça fait changer. C'est ça qu'il est en train de dire aussi. Vous cherchez du noir, vous allez en trouver. Mais disons plutôt une parole d'édification et ça va changer toute l'Église. Toute l'Église. Et il dit, n'attristez pas le Saint-Esprit par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. Tout ça, on peut en parler longtemps, celui-là. Hein? Qu'est-ce que ça veut dire, ça? N'attristez pas le Saint-Esprit. Beaucoup de pages d'écrit. Oh, yes! Puis là, je vais vous dire quelque chose, parce que là, il me reste 5 minutes. C'est que on va y revenir la prochaine fois. Aussi. On va commencer. Ne mettez pas ce verset-là avec l'autre verset. N'éteignez pas le Saint-Esprit. C'est pas dans le même contexte, puis ça ne veut pas dire la même affaire. Mais il y a beaucoup de gens qui les mettent ensemble. Ça ne va pas ensemble. C'est deux contextes très différents. Qu'est-ce qui veut dire ici « N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. » Qu'est-ce que je peux faire qui va l'attrister? Et qu'est-ce que lui va faire quand il est attristé? Ma mère, elle me disait des fois, « François, tu me fais de la peine. » Votre femme, as-tu déjà dit ça? François, tu me fais de la peine. Moi, j'ai déjà dit à quelqu'un, tu me fais de la peine. Tu me fais de la peine quand tu fais ça. Ça veut dire quoi, ça, là, quand on dit ça, non? On attriste la personne. Et nous autres, quand que tu me fais de la peine, ben, je peux réagir de différentes façons. Okay? Je peux réagir de différentes façons, mais ici, dans le contexte, attrister le Saint-Esprit, c'est de ne pas marcher comme. Pas marcher comme. Si le Saint-Esprit m'a régénéré puis qu'il m'a donné une nouvelle vie, puis si je ne marche pas selon ce qu'il m'a régénéré, je l'attriste, les esprits. Il faut attention, c'est un anthropoformiste. Il ne faut pas penser que Dieu est dans le ciel et qu'il verse des larmes. Dieu ne pleure pas. Dieu ne pleure pas, ce n'est pas un être humain. Parce que ça serait bien drôle de le voir faire. Il y a un million de chrétiens, puis là, il est heureux, puis il pleure en même temps, puis il ferait toutes sortes d'affaires. C'est une façon de parler, ça, là. Il ne faut pas penser que Dieu, maintenant, il pleure parce que les êtres humains, ils pleurent. Il ne pleure pas, Dieu. Ce n'est pas un être humain. Il n'a pas, cette capacité-là dans ce sens-là. Quand on dit qu'on attriste, ça dit qu'on va contraire à ce qu'il veut. On pourrait avoir d'autres synonymes à la Bible que le mot attrister, là. C'est une façon de parler. N'attristez pas. Le contraire, c'est rendez-le joyeux. Ça veut dire quoi? Si vous obéissez, c'est ça que ça veut dire. Si vous marchez de la façon qu'il vous a régénéré, vous donnez de la gloire à Dieu. Si vous ne le faites pas, vous ne donnez pas de la gloire à Dieu. Mais quand lui, on l'attriste, qu'est-ce qu'il fait, lui, et cet esprit? Moi, quand tu m'attristes, watch to it, je peux faire n'importe quoi, là. Ça nous amène à la repentance. Il s'en va pas. Il s'en va pas, là. Il y en a qui pensent que le mot attrister veut dire quasiment neutraliser. T'as attristé l'Esprit Saint, peut-être par des péchés, puis là, mais en voulant dire, t'es mal pris, là. Attention, le mot attrister ne veut pas dire neutraliser. Vous ne l'arrêtez pas de fonctionner. Vous l'avez attristé. Mais lui, qu'est-ce qu'il va faire pendant ce temps-là? Comment il va réagir, le Saint-Esprit, à ce fait-là? Il va continuer à œuvrer dans votre vie, de par là, il ne va pas s'en aller. Vous n'allez pas l'éteindre comme une chandelle. Vous ne l'avez pas mis dans une petite boîte, puis il n'est plus capable de rien faire. C'est pas ça que ça veut dire. Lui, ce qu'il va faire, c'est qu'il va continuer à œuvrer dans votre vie pour vous emmener à voir que vous l'avez attristé. Il va vous convaincre de ce que ce que vous venez de faire n'est pas un reflet de cette nouvelle naissance, mais est une réaction d'un ancien fumeur. Si vous voulez, je reprends mon exemple du début. François, tu sais, la façon que tu agis là, c'est si tu agis comme quand tu étais païen. Là. Tu n'agis pas comme le nouvel homme qui est en toi. Il n'est pas en train de me menacer, il n'est pas en train de me dire « Ah, maintenant que tu m'as attristé, je ne te donne plus de puissance. Je m'éloigne de toi. Tu vas être mal pris, je vais te laisser tout seul maintenant. » Mais non, mais non. Moi, je peux agir de même. Mais lui, il n'agit pas comme ça. Lui, il va commencer à œuvrer dans ma vie, il va emmener des versets bibliques, il va emmener des vérités dans ma vie que j'ai appris pour me montrer ce que je viens de dire ou faire n'est pas correct, hein. Il peut utiliser un frère, une sœur, pour venir me dire, François, ça c'est pas la bonne manière de faire. Regarde les Écritures, qu'est-ce qu'ils disent? Il ne m'abandonne pas, il ne me laisse pas tomber. Il va juste continuer à agir dans ma vie pour que je puisse réaliser que ce que je viens de faire ne reflète pas ma nouvelle naissance, mais l'ancienne vie. Donc il dit, il nous encourage à ne pas l'attrister, ça veut dire qu'il nous encourage à marcher comme la nouvelle vie qu'il nous a donnée. Et non pas comme l'ancienne vie, tout simplement. Et quand il nous montre ça, c'est que ces sentiments-là, c'est cette réaction-là qui vient en nous, quand on pêche, tout d'un coup, on réalise, des fois instantanément, des fois ça peut prendre quelques temps, une journée, une demi-heure, une heure, deux heures, un an, deux ans, ce que j'ai fait n'était pas correct. Ça, c'est l'œuvre de l'Esprit en nous. Fait que quand on l'attriste, il s'en va pas. Il ne diminue pas, il n'est pas moins fort, il n'est pas moins puissant. Il va juste continuer à dire, « Hop, ce que tu as fait là n'est pas correct. » Ça, c'est un restant, quelque chose qui vient de ta vieille vie, qui est encore là dans toi, qui fait encore partie de ta chair. Donc, on est encouragé à ne pas l'attrister, mais il ne faut pas croire que maintenant, on va le neutraliser par ça. Là, il continue à fonctionner dans notre vie par la grâce de Dieu. Donc, la prochaine fois que je vais venir, on va continuer rendu là. On va revenir un petit peu sur la tristesse, parce qu'on va revenir quand on va être au chapitre 5. Soyez au contraire remplis de l'Esprit, on va en reparler de ça, de cette vérité-là, d'être rempli du Saint-Esprit, au lieu d'être de la tristesse de cet Esprit. Prions ensemble, si vous voulez bien. Notre Père du ciel, nous sommes contents de ce qui se passe en nous. Tous les résultats qu'il y a en nous viennent de ce geste que tu as fait en nous, de la nouvelle naissance. Toutes ces interactions qu'il y a entre nous viennent du fait qu'on est membres maintenant les uns les autres. Maintenant que nous sommes unis les uns aux autres et unis à Christ, unis à Dieu, le comportement les uns vers les autres va être différent. Comme le comportement que j'ai avec mon épouse, mes enfants, est différent qu'avec les autres. Et parce qu'il y a un lien naturel. Le Seigneur, tu as mis en nous maintenant un lien spirituel qui nous amène à avoir un comportement différent qu'avant. Et ça, ce n'est pas le résultat de nos efforts, c'est le résultat de l'Esprit Saint ou de la nouvelle naissance que tu as mis en nous. Seigneur, au lieu de l'attrister, donne-nous la grâce de l'écouter, de réagir à ses instructions, à sa direction, de réagir à la lumière que tu as mis en nous par lui. Parce qu'il est toujours à l'œuvre en nous pour nous montrer ce qui est bien ou ce qui est de toi, ce qui est la vérité. Seigneur, le but de tout cela, ce n'est pas de gagner quelque chose, ce n'est pas de bénéficier de quelque chose, mais c'est de refléter ta gloire. Refléter l'œuvre que tu as mis en nous. Nous voulons vivre cette nouvelle vie afin que tu sois glorifié. Nous te le demandons pour cela. Et ce que nous te le demandons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Ah, peut-être, si voulez-vous, tu te complies tout de suite pour la soupe, c'est ça que vous faites d'habitude. Est-ce qu'un frère ou une sœur qui aimerait le faire? N'importe qui aimerait prier pour le... OK? Bon Père du ciel, merci pour ce bon repas qu'on a eu ce matin avec notre frère François. Ça nourrit notre âme, ça nous édifie, ça nous encourage à persévérer. Et merci parce que tu nous as laissé ta parole qui est une nourriture saine pour notre âme. Merci pour notre frère qui nous l'a partagé ce matin. Puisses-tu le bénir sur son voyage sur tour, Seigneur, dans son petit coin de pays, et de continuer à te servir de lui pour nous édifier et nous encourager. Père très saint, merci pour la soupe que nous allons manger. Merci pour notre sœur qui l'a préparée, qui est fidèle, les sœurs qui travaillent pour aussi nous faire du bien. Merci, Père très saint, pour cette soupe. Bénis-la dans nos corps et bénis aussi le restant de la journée, la communion.